À l'occasion du mois de lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de Tucson 2017, le comité suisse-coréen et le cercle suisse d'études des idées du Jutsu ont publié une déclaration commune qui souligne que les atrocités commises par des impérialistes américains contre le peuple coréen constituent les crimes contre l'humanité qui méritent les représailles et peines requises. Par ailleurs, le journal bulgare Iskra et le brésilien Imbirta ont traité aussi le mois de lutte commune anti-américaine.